19, activation orale, prononciation, le son R. Écoutez et répétez. Une montre. Un peintre étranger. Les interros écrites. À peu près. Le programme des lettres. Une horloge. Un travail énorme. Une école privée. C'est presque ça. Un cours sur l'art grec. L'institutrice nous a montré des reproductions de fresques. Transporté d'admiration, j'ai entrepris de couvrir de fresques les murs de ma chambre.